Anna. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Voici la dernière édition du Journal Parlé en français pour ce 27 mai 2019. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Le procès opposant la radio Bonesha FM au conseiller national de la communication n'a pas eu lieu dans son fond comme prévu ce lundi. La direction de cette station suspendue depuis 2015 a porté plainte contre le CNC qui lui exige une non-poursuite judiciaire, un document qui n'a pas de raison d'être. Vous entendrez Léon Massengo. Et la mairie de Bujumbura veut changer les cahiers de ménage, les anciens ayant été piratés selon les explications de Freddy Mbonima. Et l'Office burundais des recettes a procédé ce lundi à la réouverture et à la remise du titre de propriété au propriétaire de Saga Plage. 894 millions de francs burundais de taxes, impôts et redressements ont été recouvrés. Et le gouverneur de la province Ngozi vient d'interdire tout mouvement de chèvres et moutons ainsi que leur commercialisation à travers toute cette province. Une maladie non autrement identifiée a déjà fait plus de 400 têtes tuées le seul mois de mai. Et dans le reportage du jour, on parlera de l'hypertension artérielle à Kayanza. Là-bas, on a enregistré 300 cas durant le premier trimestre de cette année. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Le procès au fond Bonesha FM contre le conseiller national de la communication n'a pas eu lieu ce lundi devant la cour administrative. Le directeur de ce médium suspendu rappelle qu'ils ont porté plainte devant cette cour pour montrer que l'attestation de non-poursuite judiciaire que leur exige le CNC n'a pas de raison d'être. Léon Massengo demande que cette attestation ne soit plus exigée. On l'écoute. Moi, je voudrais vraiment exprimer ma satisfaction par rapport à cette audience, à la cour administrative qui a décidé finalement d'organiser cette audience publique. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne ce dossier, parce que ce qui est bizarre, l'avocat du Conseil national de la communication n'avait que quelques deux ou trois papier par rapport à une trentaine qu'on a échangé avec le Conseil national de la communication. Et on ne comprend pas pourquoi nous sommes vraiment rassurés par rapport à la cour, par rapport à la justice, et nous attendons ce qui va sortir du prochain rendez-vous qu'on a fixé au 24 juin 2019. Aujourd'hui, que veut la radio Bonesha donc représenter? La radio Bonesha a adressé une demande d'autorisation d'exploitation d'une station radio. Le dossier a été qualifié de vraiment régulier et conforme à la loi sur la presse au Burundi. Étonnamment, on a demandé une attestation de nos poursuites judiciaires. Or, ce document n'existe nulle part dans les documents qu'on doit présenter pour avoir l'autorisation d'exploitation d'une station radio. Léon Massengo, c'est le directeur de Bonesha FM au micro d'Oban Yonkourou. Et les cahiers de ménage actuels vont bientôt être remplacés par d'autres qui sont en cours de confectionnement. L'annonce a été faite par le maire de la ville de Bujumbura. Freddy Mbonima dit que les actuels cahiers de ménage ont été piratés par des gens qui ont d'ailleurs augmenté leur prix. Il dit que le prix ne va pas changer pour les nouveaux. Nous avons constaté que certaines personnes ont imité ces cahiers et ils ont vendu à des prix qui ne sont pas raisonnables. Alors nous constatons qu'il y a risque de contrefaçon et surtout de ne pas maîtriser le mouvement de la population avec des documents qui ne sont pas semblables. C'est pour cette raison que la mairie a commandé de nouveaux cahiers qui seront distribués dans les différentes zones et que les gens pourront s'approvisionner. Dis-moi ceux qui n'en ont pas, qui puissent s'approvisionner avec les nouveaux cahiers qu'achetaient commandé par la mairie. Et le prix, je pense qu'on va rester sur le même prix comme avant. Et le lieu touristique Saga Plage, situé le long du lac Tanganyika Kajaga, a été réouvert officiellement ce lundi par l'Office burundais des recettes, OBR. Le commissaire général de l'OBR indique que des pénalités augmentées d'une amende valant de plus de 800 millions de francs burundais ont été payées. Le commissaire Audas Nyonzima demande aux contribuables d'être toujours honnêtes dans le paiement des impôts et taxes. En novembre 2017, nous avons procédé à la fermeture de ce site et au recouvrement forcé et suite à une dénonciation des droits et taxes qui n'avaient pas été payés. Un montant de 344 millions n'a pas été payé. Nous avons procédé au redressement. Nous avons appliqué également les pénalités de 100% et qui ont porté le montant à plus de 894 millions. Donc ce montant a été actuellement encaissé totalement. Maintenant, nous avons procédé à la remise et reprise du titre foncier et du titre pour procéder au transfert au nom de l'acquéreur légal pour de tous les droits de ce site. Nous saisissons de cette opportunité pour lancer un appel à tous les contribuables, à tous ceux qui ont des terrains ou des maisons, des biens à vendre. Lors de la vente, ils ont l'obligation de calculer les droits et les taxes qui s'appliquent sur cette transaction. Donc, il faut chaque fois de collecter cette taxe et ces droits et de les verser au trésor. Et si ces droits et taxes ne sont pas versés, nous avons les services qui sont chargés de faire les enquêtes. Et lorsque nous découvrons que ces droits et taxes n'ont pas été correctement calculés et payés, nous les recouvrons par force et nous appliquons aussi des pénalités de 100%. Et je lance également un clin d'œil à tout citoyen qui serait au courant d'une information et qui fait état d'une fraude fiscale ou douanière de le signaler à l'Office Burundais des Recettes pour procéder aux investigations et au recouvrement des droits et taxes qui doivent être payés. Et que la prime de 10% est toujours versée. Le commissaire général de l'Office Burundais des Recettes, Audace Niyonzima. Et le code électoral devrait être publié dans les plus brefs délais. C'est un souhait émis par l'organisation Onelop Burundi dans un communiqué sorti ce lundi. Onelop Burundi qui trouve que cela permettrait de corriger les irrégularités souvent observées lors des élections. Le coordinateur et porte-parole de l'Onelop, Sulpice Ngurikiye, appelle les responsables des partis politiques à suivre de près les jeunes affiliés à leur parti en vue de prévenir les querelles qui sont souvent à la base de l'intolérance politique. Suivez-les au micro d'Aimé Richard Niyonguru. Une fois que le code électoral pourrait être publié dans les meilleurs délais, pourrait éviter les dérapages des uns des autres qui peuvent favoriser des bonnes conduites parce que l'ignorance, la méconnaissance de la loi électorale ne serait même plus un problème. Quelle est la valeur ajoutée, quelle est la plus-value à ce que ce code soit publié à temps? Et la valeur ajoutée, c'est que ce soit les jeunes affiliés aux partis politiques, pourrait comprendre facilement et s'imprégner de ce code électoral pour éviter ces dérapages. Au cas contraire, il y a des conséquences. Au cas contraire, il peut y avoir des conséquences dans la mesure où les élections peuvent avoir lieu alors que les différents acteurs n'ont pas eu l'occasion de s'en imprégner. Dans votre communiqué, vous demandez aussi aux leaders politiques ou aux organisations non gouvernementales de suivre de près, d'encadrer la jeunesse affiliée à leur parti politique. Quelle a été la motivation? Mais la motivation, c'est que dans les conditions où donc la société civile, les confessions religieuses, les organisations internationales, je peux les ajouter, pourraient mettre en avant l'éducation civique citoyenne pendant cette période électorale et en rappelant certaines dispositions du code électoral, du code pénal pour tous les acteurs. Y aurait-il des cas concrets qui se sont manifestés faisant suite à cette intolérance politique entre les jeunes affiliés aux partis politiques? C'est ce que nous observons souvent lorsqu'il y a des élections qui sont en train de se préparer. Il y a des bagarres qui peuvent naître, des échauffourées qui peuvent naître à l'endroit de jeunes affiliés aux partis politiques. Donc, pour dire que, même aujourd'hui, on ne peut pas les ignorer. D'après l'ONELOP, que faudrait-il faire pour que cette culture de la non-tolérance soit éradiquée à jamais? C'est une activité pérenne où tous les acteurs peuvent s'habituer. Donc, pour que ce soit les acteurs eux-mêmes, que ce soit les jeunes affiliés, donc à une éducation civique et citoyenne conséquente. Vous ratez l'essentiel. Nouvelle des provinces. À présent, le gouverneur de la province Ngozi vient d'interdire tout mouvement de chèvres et moutons ainsi que leur commercialisation à travers toute cette province. Dans une correspondance de ce lundi, Albert Nouimana explique que cette mesure est consécutive à la mort de plus de 400 petits ruminants depuis début mai, suite à une maladie que les spécialistes n'ont pas encore identifiée jusqu'ici. Apollinaire Mouzagara pour les détails. Dans cette correspondance numéro 531.14/129 de ce 27 mai 2019 adressée aux administrateurs des 9 communes qu'à la province Ngozi, le gouverneur suspend tout mouvement et la commercialisation des chèvres et moutons en province Ngozi. Selon Albert Ndouimana, tous les marchés de petits ruminants qu'à cette province sont momentanément fermés. Il interdit aussi la consommation de tout produit issu de ces bêtes, comme le montre cette correspondance. Cette mesure tombe après le décès de 403 chèvres et moutons depuis le début de ce mois de mai, et parmi eux sont dans un délai ne dépassant pas une semaine en commune Tangar. D'après Albert Ndouimana, la décision est prise afin d'éviter la propagation de cette maladie non encore connue dans d'autres milieux non infectés. Il en appelle à cet effet la police et le service vétérinaire à conjuguer les efforts avec l'administration pour que cette mesure soit réellement respectée dans toute la province. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Reprise depuis ce lundi matin du transport sur le tronçon Bururi-Rumonge par certains conducteurs de voitures de transport après 4 jours de grève au parking de Rumonge. C'est après une réunion avec le gouverneur de Rumonge ce samedi, une réunion au terme de laquelle il a été convenu que le ticket de transport par passager soit ramené à 3200 francs burundais de Rumonge à Bururi et à 3000 francs burundais seulement par passager de Bururi à Rumonge. Jean-Pierre Misago. Certains parmi les conducteurs de voitures faisant le transport Rumonge-Bururi rencontrés ce lundi matin au parking de Rumonge 6 près du marché dénommé Guagura Supermarket dans le quartier Kanyengoko de la ville de Rumonge déclarent avoir accepté de se conformer au prix du ticket de transport par passager de 3200 francs burundais de Rumonge à Bururi comme convenu ce samedi dans une rencontre avec le gouverneur de Rumonge. S'exprimant au cours de cette rencontre, Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, démontre qu'il n'y a aucune raison de revoir à la hausse le ticket fixé lors de la dernière hausse du ticket de transport par le gouvernement burundais. Ces conducteurs exigent cependant que tout passager ait ce ticket exigé sans demander de l'échange, comme l'ont confirmé d'ailleurs certains des passagers rencontrés sur place au parking de Rumonge. D'autres conducteurs refusent toujours de revoir à la baisse le prix du ticket de transport sur ce tronçon et il y en a même ceux dont leur voiture reste garée chez eux, informent ces conducteurs qui ont repris le travail ce lundi et qui estiment qu'il n'y a pas assez de pertes en se conformant à ces nouveaux tarifs. Frédéric Nyozima, gouverneur de Bururi, dit que le conducteur qui fait payer 3200 francs burundais par passager de Rumonge à Bururi n'a pas de compte à rendre à Bururi. Mais tout conducteur qui fait payer un ticket dépassant 3000 francs burundais par passager s'expose à des sanctions. Le gouverneur de Bururi espérant avoir des informations relatives à partir des passagers. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et un veilleur du bureau postal d'Igenda en commune Mugongo-Manga répondant au nom de Muzakare Léonard est mort égorgé par des malfaiteurs non identifiés. C'était vendredi 25 mai 2019 vers minuit. Selon des sources policières, ces bandits avaient défoncé la porte de ce bureau, mais rien n'a été volé sauf un coffre-fort qui a été endommagé au moment où ils essayaient de l'ouvrir. Et pour enquête, 4 personnes soupçonnées ont été interpellées par la police et sont sous interrogatoire devant la police judiciaire à Rwibaga, tandis que le corps de la victime repose à la morgue de l'hôpital d'Igenda après un constat de l'officier de police judiciaire. Du sport en bref, avant le reportage du jour qui nous parlera de la situation de l'hypertension artérielle en province Kayanza. Les équipes Burundi Sport Dynamique et Top Junior de Kayanza sont qualifiées pour participer au championnat national de football en première division pour l'édition 2019-2020. La troisième équipe sera connue après le match de barrage qui opposera Interstar et Delta Star de Gatumba. Et au volleyball, les provinces Bururi et Bujumbura-Mairie vont s'affronter en finale du tournoi interprovincial édition 2019. À la source, reportage. Plus de 300 patients souffrant de l'hypertension artérielle ont été enregistrés dans la province sanitaire de Kayanza durant le premier trimestre de cette année. Des précisions du médecin directeur de cette province sanitaire, Dr Chongera Célestin, qui fait savoir que les maladies chroniques sont une réalité. Certains malades disent prendre des médicaments, mais soulignent qu'il est difficile de s'en procurer pour des malades ne disposant pas de carte d'assurance maladie. Le docteur Hawa Ouimana, médecin à l'hôpital du district de Kayanza, appelle la population à se faire dépister. C'est un reportage de Mireille Kanyanga qui est de retour de Kayanza. Ce patient d'une cinquantaine d'années, nous le rencontrons à l'hôpital de district de Kayanza. Il est hypertendu, nous confie-t-elle. Depuis 2002, je souffre de la diabète et c'est en 2005 que je suis sous traitement d'insuline. Maintenant, la maladie s'est compliquée. Pour le moment, j'ai à la fois l'hypertension et l'insuffisance rénale. La tension artérielle est élevée. Elle est au 19-10. Quand tu souffres de cette maladie, on est faible, on a des maux de tête, mais aussi des vertiges. Les signes de cette pathologie peuvent renvoyer à d'autres maladies, c'est notamment les céphalées, précise le docteur Hawa Ouimana, médecin à cet hôpital. L'hypertension artérielle est une maladie d'abord qui est chronique. Pour les symptômes, il y a ce qu'on appelle les signes d'une maladie quelconque. Concernant l'hypertension, vraiment, il n'y a pas de signes spécifiques qui vont nous orienter vers une hypertension artérielle. Il y a des facteurs de risque. Pour les signes, on peut avoir d'abord un patient qui se présente avec des céphalées, une asthénie ou bien une fatigue. Mais ces signes peuvent nous orienter vers une autre pathologie. Le constat est que l'hypertension artérielle reste méconnue pour certains. À ce que je sache, c'est que cette maladie touche les parties génitales. Donc si tu es atteint par cette maladie, tu saignes beaucoup. Pour ce cinquantenaire, l'accès aux médicaments n'a pas été difficile car affilié de la mutuelle de la fonction publique. Nous n'avons pas eu de problème pour accéder aux médicaments au départ. En plus, je suis affilié à la mutuelle et ces médicaments d'hypertension nous sont prescrits sans difficulté. Toutefois, la prise de ce médicament n'apporte rien comme léger mieux. Aujourd'hui, avec les complications des reins, c'est un problème sérieux. Les maladies chroniques sont une réalité en province Kayanza, affirme le docteur Chongela Célestin, médecin directeur de la province sanitaire de Kayanza. Au cours du premier trimestre de cette année de 2019, nous avons enregistré dans les différents hôpitaux de la province sanitaire de Kayanza des cas de ces pathologies-là. Nous avons enregistré 312 cas d'hypertension artérielle. Pour l'asthme, nous avons eu 219. Et pour les hépatites, nous avons eu 45 cas. Le docteur Chongela appelle la population au dépistage car certaines pathologies ne manifestent pas immédiatement des symptômes et ce, pour éviter toute complication. Merci Mireille Kanyang, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour la mise en onde. Une très bonne soirée à tous. Jean Bosco, Douimana.